Ma conchieto, ma vecino. Ma conchieto, ma vecino. Les piocquecho am fien garder l'antiturlure. Les piocquecho am fien garder l'antiturlure. Maïetonote, petite servante. Maïetonote, petite servante. Que mes pour tout mon déjeuner l'antiturlure. Que mes pour tout mon déjeuner l'antiturlure. Pas si tôt. Pas si tôt. Pas si je note. Pas si je note. Pas si je note. Il te fout trop ton déjeuner l'antiturlure. Il te fout trop ton déjeuner l'antiturlure. Mais peu encore qui se je note. Mais peu encore qui se je note. Forme-lui d'autant que tu voudrais l'antiturlure. Forme-lui d'autant que tu voudrais l'antiturlure. Tous les petits, tous les petits, quoi chaud les bandes. Tous les petits, quoi chaud les bandes. Ah, si Myrthe dansait l'antiturlure. Ah, si Myrthe dansait l'antiturlure. Et vos puranques, les vitres coudes. Les vitres coudes. Que ne voulons pas danser l'antiturlure. Que ne voulons pas danser l'antiturlure. Le vieux voreille, les plans plaireilles. Le vieux voreille, les plans plaireilles. Pré va danser l'antiturlure. Pré va danser l'antiturlure. Ma chitoquelle, fut dans les danses, fut dans les danses. Elle fut descend jusqu'au piancher l'antiturlure. Elle fut descend jusqu'au piancher l'antiturlure. Elle fut descend jusqu'au piancher l'antiturlure.